voir valser ce qui nous retient. Je veux pas me coucher, je traîne des pieds et je prends ta main. On ne sait pas où aller, c'est pas maintenant qu'on sera vieux. J'ai cherché de lieu en lieu, des yeux à deux seigneurs. Ah ah, coup de mégaphone, sans mon téléphone. Mon cœur, tout ça s'emballe à l'heure du bal. Nos jambes sont fatiguées, faudrait quand même les ranimer. Revoir le monde s'animer, la rue se réveiller. C'est ta route, qu'enfin la folie m'écoute. Prends la nuit comme elle vient, redevenons musiciens. Ce qui nous retient. Je veux pas me coucher, je traîne des pieds et je prends ta main. On ne sait pas où aller, c'est pas maintenant qu'on sera vieux. J'ai cherché de lieu en lieu, des yeux à deux c'est mieux. À coup de mégaphone, sans mon téléphone. Mon cœur, tout ça s'emballe à l'heure du bal. Nos jambes sont fatiguées, faudrait quand même les ranimer. Revoir le monde s'animer, la rue se réveiller.